Du sang, des katanas, une blonde en combi. Cette semaine, on a maté Kill Bill volume 1 et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine, consacrée à Kill Bill de Quentin Tarantino. Tuer Bill, titre québécois, bravo à eux encore. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Et Julie. Bonsoir, je sais pas pourquoi t'as créé un suspense comme ça. Parce que les gens t'attendent, Julie. Ah, oui, ils n'attendent que toi. Prateur, moi, je ne fais que recevoir des courriers avec des coloriages. Non, mais il faut que je fasse attention. La dernière fois que j'ai dit que j'avais présenté 2 heures de perdu, il y a des gens qui ont pris ça au sérieux. Donc, pas de bêtises. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Kill Bill de Quentin Tarantino, sorti en 2003, 211 minutes. Oh, je n'ai pas. Avec Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, David de Carradine qu'on ne voit pas et Michael Madsen. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une vraie professionnelle. Mes amis et moi, nous étions la crème de la crème dans un secteur d'activité très fermé. On travaillait tous pour cet homme, Bill. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, de me ranger, de commencer une nouvelle vie. Mais quand j'ai voulu partir, ils m'ont réglé mon compte. Tu ne te réveilleras plus. Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser. Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tué. Tu as le droit de prendre ta revanche. Ma revanche ? Elle pourrait. Il faut que je te tue alors. Voilà, voilà. 111 minutes pour prendre sa revanche. Alors, avant même que vous preniez la parole, je vais faire une mention spéciale à la bande-annonce qui explique le film. Alors que le film, du coup, vu que c'est que des flashbacks à l'entente, il est censé comprendre à la fin. Et là, dans la bande-annonce, ils font voilà, donc là, ça, c'est Bill. Et c'est quand même cool. Pourquoi ils ont fait ça ? Ouais, c'est quand même. Il y a aucune phrase de cette bande-annonce qui est dans le film. Oui, en plus. Bande-annonce 2000. Mais putain, mais pourquoi ils sont trop cons? Parce que normalement, tu regardes Kill Bill et du coup, ça te donne envie de voir Bill, ça te donne envie d'essayer de comprendre l'histoire. En fait, la fin de l'histoire, tu la comprends. Tout, je veux dire, il y a pas de scénario. Donc, moi, j'ai dû le voir 5 ou 6 fois avant de comprendre. Au début, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle tue tout le monde? Bon, elle est ravagée, celle-là. Quelle bouche elle est ravagée. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je vais commencer par Julie. Moi j'aime bien ce film, j'ai beau retomber dessus à chaque fois, il m'accroche l'œil. Je tombe sur Kill Bill. Non, non, j'aime bien. C'est tout. Bah oui, j'aime bien, c'est un film qui est Tarantino en général, est-ce que tu peux... Parce que, oui. Non, j'aime bien Tarantino en général, ça fait partie des Tarantino que j'aime bien, contrairement à Boulevard de la Mort par exemple, que j'aime moins. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le dernier aussi, si tu veux tout savoir, les 8 salopas, ça m'a bien plu. Celui d'avant, Django, j'ai bien aimé, je trouvais qu'il y avait 20 minutes de trop, mais franchement, si vous voulez, on peut faire un podcast que sur ma relation à Tarantino. Et, hein, si et du coup, tu l'as déjà rencontré ou pas? Non. Tu sais qu'il aime les pieds. Je l'ai croisé. Oui, il aime les pieds, oui. Ouais. Tu l'as croisé? Ouais, je l'ai croisé. Dans une salle de cinéma en Normandie. En off à Cannes, il y a presque 10 ans. Bon, bref. C'est moi. Attends, c'est ah, moi. Tu demandes? Non, je réponds. Non, mais c'est moi qui fais les transitions. Bon, bref. Bah, moi, j'adore tous les Tarantino, donc celui-là échappe pas à la règle, évidemment. Je le trouve très bien. Le passage BD, je trouve ça mortel. Animation manga. Le passage BD belge, alors là, j'ai adoré. J'ai reconnu le trait de dessin des tuniques bleues. J'ai adoré. Le passage cinématographe, alors là j'aime tout. Non, cerise sur le gâteau, j'adore la BO également, c'est une de ses meilleures, avec Pulp Fiction et Boulevard de la Mort pour le coup. Et quoi? Meilleur compil quoi. Oui, c'est les... Jackie Brown quand même. Ouais, Jackie Brown est très bien aussi. C'est vrai. Tout l'été d'il y a 10 ans. 10 ans plage. Et oui. Là, je donne des pistes pour les gens qui veulent nous connaître. Qui fouillent dans les archives du bien public. Il y a un article sur nous que je mettrai en ligne, tiens d'ailleurs, à la suite de ce podcast. Greg. Ouais, bah moi je suis d'accord avec Julie, ça attire l'œil. Après, moi j'aime pas du tout en fait. Mais après, c'est vrai que c'est joli, tu vois, c'est bien léché, il fait des beaux plans et tout. Mais après, c'est ultra chiant, il y a zéro scénario, c'est que de la castagne. Moi j'ai l'impression de regarder Danse avec les stars, ils sont en train de se castagner en dansant quoi. Au bout d'un moment, c'est super fatigant quoi. Moi j'ai pas du tout cette impression. C'est des chorégraphies de Kamel Wally toutes les deux secondes. Je sais pas, je préfère regarder un match de catch quoi. Il y a pas de scénario, il y a que dalle. Je crois que j'avais déjà pas aimé hein, quand j'étais môme. Mais là, j'aime pas non plus. Hein. Quand t'étais môme, c'était 2003, t'étais pas môme, t'as 55 ans, Greg. C'est vrai, t'as raison, pardon. On vient de fêter tes 68. Ouais, je me crois toujours jeune. Non, je suis pas fan, hein, mais je suis pas fan, mais... Mais t'aimes bien les Tarantino, Tarantino en général. Non, mais j'aime pas trop les Tarantino en général parce que c'est toujours le même reproche, c'est-à-dire que tu préfères la planète des singes. Ouais, complètement, complètement, parce que l'histoire est beaucoup plus cool. C'est le prétexte de faire plein de jolis trucs avec des jolis bastons et puis laisser un peu le scénario de côté parce qu'on s'en fout un peu parce que les gens ils veulent voir des castagnes avec des beaux, avec des nanas quoi. Ouais, enfin quand même, non, Tarantino est pas le plus mauvais des scénaristes qu'on puisse imaginer non plus. Hein. C'est pas. Ça bah, là, ça c'est mauvais. Je suis désolé, il y a vraiment pas d'histoire. C'est genre c'est une nana qui va vouloir buter les autres. Je suis en désaccord profond avec Grégory, c'est... franchement c'est un de mes Tarantino préférés. T'aimes bien Tarantino en général toi Antoine? J'aime pas du tout les derniers là, franchement, 8 ah ouais salopards. Mais, pour le Django, coup j'ai vu que la bande annonce. Donc... mais Django j'avais pas trop aimé, alors là, ah ouais, je crois qu'il y avait plus de 20 minutes en trop. Mais par contre j'adore Kill Bill, le 1, le 2, je crois que je suis moins fan, je l'ai pas revu. Putain, ça marche trop. Il fait, ben, il fait, en plus, après, c'est, en fait, le truc avec Tarantino, c'est qu'il fait toujours référence à un univers cinématographique que personne n'a jamais vu de toute façon. Enfin, tu sais, genre, tout le monde se la touche à mort, mais enfin, personne les a matés, les méga films de kung-fu auxquels il fait référence. Ouais. Et c'était pareil pour les westerns, et c'est pareil pour tous les autres trucs. Mais en l'occurrence, moi, j'en avais regardé les films de Bruce Lee, et j'adore. Et, non, mais je sais pas, moi, ça me touche vachement l'univers de Kill Bill. En fait, il y a plein de trucs que j'adorais gamin. Et en fait, j'ai l'impression aussi, quand il fait son film, en fait, des fois, je mate des films et je fais, putain, s'il va dans cette direction-là, je suis trop fan, c'est trop ce que j'ai envie de voir. Et dans Kill Bill, il va exactement dans la direction. Ouais. Putain, j'aimerais trop qu'elle se venge de tous un par un et qu'elle les défonce. Bah, c'est ce qu'elle va faire, quoi. Je vois pas ce qu'elle pourrait faire d'autre en même temps, tu vois. Non, mais il y a d'autres films de merde où il se passerait d'autres trucs. Ce qui est très bien dans Kill Bill, comme dans la plupart de ses films, c'est qu'il arrête pas de faire des références à effectivement des univers cinématographiques là-dedans. Mais même si t'as pas vu ces films-là, t'apprécies vachement en fait son résultat final. Ouais, parce que mais non, après c'est super bien fait. Après, pour l'avoir revu, je trouve que il faut arrêter là quand même. On fait un débat aujourd'hui, on déroule pas le film. Qui s'accable le mieux? C'est moi qui préfère. Non mais après en plus pour la revue je trouve que les musiques sont très cool mais là c'est un peu l'overdose en fait. Putain en fait c'est super utilisé, c'est tout le temps ouais, et bah, en même temps, ça pour le coup c'est un peu vieilli. Ah, puis le truc c'est qu'on connaît la BO par cœur aussi quoi pour le coup. Moi j'attendais chaque morceau les uns après les autres quoi. Mais parce que aussi je pense que c'est un film qu'on a tous vu assez jeune et c'est aussi pour ça qu'on l'a beaucoup réécouté, écouté. Enfin moi c'était un peu le film de mon adolescence hein, Kill Bill, c'était moi c'était plutôt Pulp Fiction mais je suis un peu plus vieux que toi. Oh, c'était l'ombre d'un doute. Encore des indices. C'était l'ombre d'un doute d'Hitchcock, moi. C'était moi, c'était l'arrivée en train en gare de la Ciotat. Vraiment, j'avais vu ça. J'avais quoi? J'avais 9 ans. Oh, j'ai adoré. Mais par contre, j'aimerais juste faire un petit point coup de gueule. C'est qu'en fait, ce film, il y a une scène qui est toute en noir et blanc. On va en parler à un moment. Sauf qu'en fait, c'est une version censurée parce qu'au Japon, ils l'ont eu en couleur, mais sous prétexte que c'était trop gore. C'est une version qu'on a tous eu en noir et blanc et je trouve ça naze. J'aurais bien voulu l'avoir en couleur. Ah, le passage animé, c'était du vrai film aussi. Voilà. Ça, faudra m'expliquer aussi, hein, parce que moi je trouve ça. On va t'expliquer, on y va. On va t'expliquer. Qui raconte l'histoire, s'il vous plaît. Clairement, je pense que Michael, c'est le moment. C'est l'histoire que tu peux raconter là. C'est une meuf qui se venge. Ah, donc tu avoues qu'il n'y a pas d'histoire. Bah, j'avoue qu'il y a. J'ai pas dit que. C'est pas parce que l'histoire est simple que le scénario est mauvais. C'est une nana. Alors, on va le faire dans le bon ordre, du coup, puisque c'est tout découpé dans le film. Ouais. C'est une nana qui manque de se faire assassiner le jour de son mariage, qui survit, et alors qu'elle est enceinte, autant le préciser. Faut aussi que tu précises que c'est une ex-tueur à gage, c'est quand même le plus important. C'est quoi? C'est une ancienne tueur à gage, quand même, c'est le plus important. Oui, non, mais c'est pas vraiment dans le kibilin, dans le volume 1, finalement. Oui. Voilà. Donc elle se fait tuer et enfin elle essaie. De toute façon, tout a été dit dans la bande annonce. C'est pour ça qu'on te laisse raconter l'histoire. Bon, c'est qu'on sait que les gens seront pas perdus. On s'est bien concerté avant en disant bon, de toute façon, on va laisser Mickaël. Et en fait, après, je sais pas combien d'années de coma, 7 ans sûrement, comme dans Les Ailes de l'Enfer. Je pense 4, 7 ans. Ouais. 4. Ah bah 4, oui, 4 ans plus tard. Exactement. Elle décide de se venger de toutes les personnes. Il y a 5 personnes qu'elle veut tuer en fait, et qu'elle met sur une petite liste, sur un cahier. Et elle elle prend bien soin de l'écrire sur une petite liste au cas où elle oublie. On sait jamais quoi. C'était qui, quatrième? Moi, j'aimerais bien vous dire. Elle s'appelait déjà la plaque. Putain. J'ai envie de vous raconter. Séverine, c'est pas Séverine. Non, c'est pas Séverine. Non. Moi, j'ai fait la même chose quand j'ai eu mon dégât des eaux. J'ai fait une liste. Oui, c'est ça. Et dessus, j'ai eu un dégât des eaux chez moi, dans mon ancien appartement. Et du coup, il y avait mon syndic, il y avait ma voisine du dessus, il y avait l'assurance. Je les ai tous listés comme ça. Il y avait Londres aussi. Mais y avait... malgré les versements, il y avait Londres. Donc, le film s'ouvre sur notre héros, Uma Thurman, blonde, qui arrive à la maison, dans une petite maison pavillonnaire. En Californie, certainement. Non, bon, ce n'est pas précis. C'est pas parce que tu écoutes en Californie, en boucle, qui se fait tuer, en fait, c'est ça. L'ouverture du film, ouais, effectivement, oui, elle s'est fait tuer à l'église par 5 personnes. On comprend que c'est très très et bien elle fait. Elle dit c'est ton bébé d'ailleurs. Quel suspense, oui, quel suspense. Elle se prend vraiment une balle dans la tête, on voit le sang gicler et en fait, elle est pas morte. Waouh, putain, c'est vraiment bien. Mais sinon, le film il dure une minute. Il est con. Je veux dire, au moins, tu peux faire semblant. Qu'elle se prenne pas une balle dans la tête, quoi. Je suis désolé, c'est complètement débile. Ça arrive. Mais non, ça arrive pas. Si, ça arrive. Si, ça arrive. Non, ça arrive pour. C'est le monde du cinéma, Greg. Ça arrive dans le cinéma. Tiens, si, regarde là, j'ai sur internet. Vous ne devinerez jamais comment il a survécu à une balle. Ah, il y a trois petits points, il faut que je clique pour avoir la suite. Ivre, il survit d'une balle dans la tête. Ivre, ces Russes survivent à des balles dans la tête. Top 10 des gars ivres qui survivent avec des balles dans la tête. À Topito, là, pour appeler Ronan. Alors, elle arrive dans la maison de sa première victime qui était justement. Alors dans les cinq tueurs, en gros, il y a Lucy Liu, qui est une chinoise, japonaise, mais moi je dis chinois, vous le savez, une black, on dit afro-américaine, mais moi je vais dire black. Il y a Bill, qui est le grand méchant, on voit pas son visage. Il y a Michael Madsen, pour ceux qui ne savent pas, il ressemble à Michael. Dans Réservoir Dogs. Dans Réservoir Dogs. Surtout avec ce Marcel. C'est vraiment. C'est quoi. Et puis moi, la dernière fois, quand je t'ai vu là, à ta caravane, je savais vraiment que t'avais la même dégaine que Michael. Et il y a Elle Driver aussi. Et il y a Elle Driver, justement, avec son patch à l'œil. Sans doute un œil infecté. Alors elle a fait sa petite liste en crescendo, c'est-à-dire que tu vois, c'est un petit peu un jeu vidéo. Elle va d'abord tuer ceux qui sont faciles à tuer. Bah, facile à tuer, mais aller au Japon quand même. De plus en plus jusqu'à méchant. Elle les tue pas dans l'ordre presque. Oui, et alors en plus, il y avait une promo sur les billets d'avion pour le Japon à ce moment-là. Donc non, mais c'est pratique. Elle s'est dit, bon, je vais chercher le katana au Japon. Bah, il vaut mieux que je commence par elle, sinon je vais me taper la lire tout. Ça, c'est pas bête. Alors. Donc, elle arrive à la maison de sa première victime, qui est la Black, qui, elle, finalement, depuis 4 ans, ben, elle s'est mariée, elle a une gamine, et elle vit dans une maison avec une vie tranquille et tout rangée. Donc, ding-dong, la Black, elle ouvre, ça fait tin-tin-tin-tin-tin-tin, c'est un extrait audio que je viens de passer, vous le savez, le regard en furie des Matterman, et là, elle commence à se mettre sur la gueule direct, pas bonjour, pas bonsoir. Et donc, il se passe 20 minutes, et puis après, on reprend, il y a un petit dialogue où elle dit, non... attention, ma fille va arriver. D'ailleurs, elle le dit pas. Sa fille arrive et du coup, la baston arrête parce que finalement, elle a quand même des valeurs, même si elle veut buter tout le monde. Attention, on va pas duer devant les enfants. Déjà, il y a un truc, c'est que la baston qu'elles font, elles vont dans toutes les pièces de la maison. Tu sais, genre vraiment, c'est histoire de tout casser dans toutes les pièces. Bibliothèque, tu prends une étagère dans la. Ça a l'air avec de faire des très très mal. Ouais. Avec des assiettes. Non, mais à un moment, je me suis dit, non, mais attends, elle veut faire marcher l'assurance là. Tu sais, elle casse toute la maison. Non, puis les assiettes du Mont Saint-Michel, merde. Les belles porcelaines de Limoges. Celui-là où il y avait le chien dessiné dessus, le petit cocker. Le chien des montagnes. Et alors là, il y a la gamine. Je l'avais eu à Isola 2000 pendant les vacances dans les Alpes. Ah, on n'avait pas eu de neige cette année-là, mais qu'est-ce qu'on s'était amusé. Alors, la fille, elle rentre de l'école. Elle est sous GHB, la gamine. Hein. Putain, mais. Mais moi j'ai une enfant qui est comme ça, je vais voir un spécialiste. Non, elle est choquée. Pour le coup là tu vois je défends le film alors que je devrais vraiment pas faire ça. Mais en fait t'as raison, ouais. Mais je crois qu'elle est choquée, c'est pour ça qu'elle est kéblo. Mais t'as raison. Non, mais ce qui est très drôle c'est qu'elle dit ça c'est une amie de maman de longue date, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas. Genre, en fait, déjà, c'est ton chien qui a fait ça. Mais ouais, d'où les chiens en fait te griffent et t'as du sang sur le visage. Bah, maman, j'ai l'impression que le chien t'a mis des droits tout aussi. Parce que... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle se fout sur la gueule, alors que si Uma Thurman était arrivé avec un flingue, ça aurait été plié en une seconde. Ah non, mais elle veut tout faire au couteau. Là, c'est la professionnelle de l'arme blanche. C'est pas un film de valeur, c'est un film d'honneur. Ah ouais. Là, il y a un honneur dans ce film. Honneur de d'ailleurs, vengeance. Il semble qu'il n'y a pas une seule arme à feu finalement. Si. Bah si, puisque. Ah bah si, bah, juste après. Début, ouais, il est imbécile, tu vois. Ah bah oui, si, mais t'as raison. Avec les céréales, donc, on va en parler. La fille, elle rentre de l'école, donc du coup, ça justifie le fait qu'on arrête de se battre et on va papoter comme des copines. Avec dans un la petit cuisine, café. Autour d'un café. Ouais. Autour d'un petit autour café. D'un café. Et surtout, mais moi je me dis, la mère, elle sort les céréales, mais quelle mère donne des céréales au goûter à son enfant? C'est au petit déjeuner qu'on donne des céréales. Ouais, mais on est aux États-Unis, les enfants sont fat. Non mais là le coup des céréales c'est vraiment pas téléphoné quoi, tu le vois arriver à 2 km. Alors qu'est-ce qui se passe, mais c'est fait pour. Qu'est-ce qu'il y a dans les céréales ? Tu vas arriver à 2 km, franchement, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous avez deviné quoi. Hop, il y a un gun dans le paquet de céréales, et puis hop, elle balance son couteau finalement pour se défendre, et c'est juste ce moment où il y a la fille qui arrive. Et en fait, toutes les valeurs qu'elle prenait au début, et bah tac, elle est trahie en tuant la mère devant la fille. Moi, déjà, il y a un truc qui m'étonne, c'est que la gamine, quand elle se sert des céréales, se rend pas compte que la boîte fait 4 kilos. Que déjà le flingue, faut le changer de boîte dès que les céréales sont finies, ça arrive souvent. Et surtout, ça met des chocs à pic dans le canon, c'est dangereux. Ou alors un flingue dans le bol de céréales, ça c'est encore pire. Maman. Dans quelle imitation de l'enfant avec Mickaël, toutes les plus grandes imitations. Mickaël fait l'enfant. Maman. Tu peux pas nous faire le black aussi. La dernière fois, putain, c'était drôlement réaliste. Bon, et donc, non, mais par contre, l'honneur revient puisqu'elle dit à la gamine. Si tu veux, tu pourras revenir me voir dans 10 ans et enfin genre dans des années. Et... Vas-y Julie, on continue. Dans des années, et tu pourras te venger à ton tour. Enfin, c'est un peu le truc sans fin quoi. Mais en fait, il parlait d'un Kill Bill 3 où ouais. C'est toi qui me disais ça d'ailleurs. C'est pas moi qui le disais, mais je l'ai su, donc c'était peut-être moi. D'un Kill Bill 3 où c'est justement la gamine qui vieillit et qui retourne, une rumeur et qui veut tuer machin. Je pense qu'il faut pas le faire. Génial. Hein. Greg sera le premier à acheter sa place, je pense. Ensuite, on retourne dans le passé. C'est un flashback. Attends, c'est pas qu'un flashback. C'est-à-dire que c'est tellement fin ce film que on a chapitré tous les passages. Et là, c'est un flashback. Du coup, c'est chapitre 2. Eh putain, c'est bien fait. Hein. Et ce qu'on a qu'à faire, c'est à chaque scène, on met un chapitre. Putain, génial. Ah, c'est vraiment un coup de génie. T'as bien aimé ce film. Ouais, j'ai l'impression que t'as... Oh là là, la mauvaise foi. On n'aime pas ça ici, la mauvaise foi. Hein. Alors, c'est les flics qui arrivent sur le lieu du crime. Alors, bon, les mecs, c'est des cow-boys, mais ils ont des voitures. Ouais. Parce que moi, au début, quand j'ai vu la gueule du gars, je fais ah putain, on est au Far West là, tu vois. Mais en fait, non, ils ont des automobiles. Il a même la liste des. Il a même des petites lunettes. Il a toutes les aviators sur le tableau de bord. Il faut savoir qu'il roule continuellement à 15 km/h. Sinon, parce qu'elle ne bouge pas. Hein, oui. Sur le tableau de bord. Non mais toi, tu mets un truc sur le tableau, tu fais un virage. Bam, ça passe de l'autre côté. Quoi. Mais ça, je trouve ça drôle pour le coup. Ça me fait marrer. Et alors, elle est encore en vie. C'est ce qu'on apprend. Ouais. Alors, elle est encore en vie. Comment on s'en rend compte? Bah, parce qu'elle crache dessus. Elle crache un gros molar. Mais en fait, quand t'es dans cet état-là, quand tu t'es pris une balle dans la tête, comment tu fais pour? Elle est quasiment dans le coma. Comment tu fais pour mettre en marche au moins 30 muscles de ta mâchoire et de ton visage pour projeter un molar à 200 km/h sur la gueule d'un flic? Alors, ça, je comprends pas. Elle était ivre. C'est un volant. Elle lance un molar sur un flic. Je suis médecin et c'est moi qui ai rédigé cet article. Le top 30 des raisons pour cracher un molar dans un état de coma avancé. Et alors là, ensuite, on se rend compte qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est dans le coma. Et elle, Driver, va tenter de l'assassiner. Donc c'est la fameuse nana avec son patch sur l'œil. C'est pas les patchs anti-fumée, hein, c'est les trucs parce que... Moi, je me suis posé une vraie question à ce moment-là. Et est-ce que quand t'es borgne, t'as le droit d'être infirmière? Est-ce qu'il y a un truc? Non, c'est interdit. C'est interdit. Quand t'es borne, il y a plein de trucs qui sont interdits. Tu peux pas conduire un bus. Je me dis, tu peux pas être pilote d'avion, mais infirmière, du coup. En théorie, tu peux pas être tueuse parce que pour tirer, c'est quand même déjà plus compliqué. Il vaut mieux en avoir un qui marche. Bah non, justement, deux qui fonctionnent pas. T'as pas à fermer un œil. Elle est plus forte que les autres. Alors déjà, ce qui est trop marrant, c'est que l'hôpital, c'est de nuit. Il y a personne. Normalement, t'acceptes plus les patients. La nana, elle rentre. Elle est méga louche. Mais alors vraiment, elle ressemble à une putain de tueuse en série avec son manège. Elle est louche à mort. Et en plus, elle, déjà personne lui dit rien. Et elle arrive dans les couloirs. Bah, elle est jolie. Il hein. y a la fameuse chanson. Franchement, elle est jolie. Hein. Attends, c'est bon. Siffle très bien. Et en fait, très très bien. Tu t'es entraîné, je t'ai entendu tout à l'heure. Oui, je me suis entraîné toute la journée. D'ailleurs, tu étais siffleur de New Morricone. Oui, on siffle plus parce que mon voisin va venir. Il m'a déjà fait chier toute la journée. Non, et en fait, elle arrive et elle siffle comme une dingue dans les couloirs. Mais c'est méga chiant pour les patients qui dorment, tu sais. Ils sont tous dans le coma. Genre, c'est l'hôpital du coma, c'est Coma Hospital. Et alors là, pour le coup, elle va aller se changer en infirmière. Alors, elle était habillée en pute, là, elle se change en infirmière. Non, elle avait un manteau blanc. Elle avait un manteau blanc, quoi. Et alors, elle a un cache-œil avec une croix rouge dessus. Pour passer discret. Je vais changer de cache-œil, je vais mettre un cache-œil spécial infirmière. Je vais passer incognito. Alors, il faut savoir qu'elle met des bas blancs, elle met une blouse d'infirmière ultra sexy. Il faut savoir que les infirmières, dans la réalité, elles sont dans une blouse hyper large en crocs. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy. En fait, c'est une espèce de fantasme sur l'infirmière, mais ça colle pas vraiment à la réalité. Hein. Oh, moi j'adore les crocs. J'adore les crocs. Ah, oh, des belles crocs bleues. Et elle se réveille donc 4 ans plus tard. Bah non, mais en fait. Oui, d'abord, ils vont pas la tuer. Non, non, donc du coup, Bill appelle l'infirmière et le voilà. Nageur en lui disant c'est bon, tu l'as trouvé, oui. Elle est sur le point de la buter. Bah non, en fait, tu la butes pas. Donc l'autre, elle devient complètement. Alors, elle reçoit un coup de fil de Bill. Au début, Bill, j'ai cru que c'était une canne. Est-ce que c'est un gros plan sur la canne? Et elle reçoit une un coup de fil de Bill au moment où elle. Vas-y, Michael. Elle reçoit un coup de fil de Bill au moment où elle injecte le poison dans la seringue. Et. Qu'est-ce qui vous arrive les deux? Moi j'ai pas compris cette vanne. En fait, quelqu'un peut me la rester. Ah bah quand... tiens, pour une fois c'est moi qui rigole avec c'est Antoine. Juste que hein. Quand Billy est au téléphone, tu vois un gros plan sur sa canne et donc du coup au début j'ai cru que c'était une canne. Et je me suis dit, mais c'est trop mal fait, on voit la main qui fait bouger la canne. Bon bref, c'est une blague beaucoup trop compliquée à expliquer, continue. Excuse-moi. Et donc en fait, elle s'apprête à injecter le poison. Dans la perf de Uma Thurman, elle reçoit un coup de fil pile poil à ce moment-là. Il y a la chance que si elle n'aurait pas capté, le film aurait duré 20 minutes. Et c'est moi, j'étais sur vibreur, j'ai pas senti. Elle sort de l'hôpital, elle fait Bill, tu m'as appelé. Tiens, Bill, il m'a appelé. Un appel en absence. Et c'est là qu'on se rend compte que Bill a uniquement des valeurs cinématographiques en fait, parce qu'il la tue pas dans son sommeil simplement pour créer des scènes après avec des bonnes grosses bastons quoi, parce que sinon c'est fin de l'histoire et non, et il va faire deux épisodes, alors il est sympa avec Tarantino. Bah, il le dit d'ailleurs au téléphone, sinon ça fait que 20 minutes de film. Et en il plus, a eu une rallonge budgétaire, c'est plus, bon on peut continuer. C'est bon on peut tourner au Japon donc. D'ailleurs j'en profite, anecdote, normalement c'était prévu pour être un seul film, Tarantino ouais, l'avait écrit, mais c'était très très dense et finalement son producteur Weinstein a décidé qu'il lui accorderait son second volume. Mais c'est franchement, mais moi je pense que c'était bien de le faire en deux films. Ça prenait bien le temps de rallonger les bastons. Greg est vraiment très content que ça soit en deux films. Ouais, j'ai regardé le deux à la suite. Hein, alors, elle se réveille 4 ans plus tard, puisque du coup il ne la tue pas. Elle se réveille exactement dans la même chambre. Il n'y a rien qui a bougé. Tu ne te déplaces pas pendant 4 ans. Ah, si, elle a plus de bébé. Par contre, elle a gagné une plaque dans la tête. Et du coup, elle se réveille en sursaut grâce à un moustique qui la pique. C'est comme ça que c'est pour ça qu'il y a plein de moustiques dans les chambres des comateux. C'est qu'on espère que ça les réveille. Et elle sort d'un mauvais rêve. Coma ou chikungunya, c'est au choix. Ivre, elle attrape la chikungunya dans le coma. Et là, en fait, elle se réveille. Elle regarde les lignes de sa main et elle fait 4 ans. Ben oui. Moi je lis l'heure comme ça. Hein. Il est 23h. Ouais. Oh, faut que j'aille me coucher. Mais c'est-à-dire que, oh là là, Méline de la main, j'ai tard. Au-delà de son activité de tueuse à gages, elle avait grandement le temps de regarder ses lignes de la main et de regarder ce qui se passait en une année. Elle prenait des photos. Surtout, elle se souvient par cœur de ses lignes d'il y a 4 ans, alors que normalement elle prenait des photos. Ouais, quoi. Et alors là, il y a. Comment il s'appelle, Bud? Buck? Ah, ouais, là, c'est parce que Bud, ça rime pas avec Buck, en fait. C'est-à-dire que c'est Bud. Et alors là, il y a Buck qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Buck? Buck, il fait un truc qui est pas très Buck, catholique. Buck, il fait un petit brief à son poteau, le gros dégueulasse, en lui disant, vas-y, tu vas pouvoir la baiser. Non. Elle est à vous. Mais on va faire la chose. Il va faire la chose. Contre financement. Faire la chose à une morte. Ouais, donc c'est pas très classe, hein. Non, et en plus, il fait demi-tour à un moment quand il s'apprête à le laisser tout seul pour lui filer un espèce de gros tube de vaseline, non? C'est pas ça? Il a toujours ses gueules. Et alors, il va lui donner quelques conseils. Le premier étant, ne lui mets pas des droites parce que ça marque sur la peau. Ne lui fais pas de suçon parce que ça marque aussi sur la peau. Et ensuite, il va rapidement le briefer. C'est bon, t'as parfaitement assimilé la règle numéro 1? Ouais. Bien, règle numéro 2. Pas de suçon, pas de griffure, en gros, aucune marque visible, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est tout. Et à part ça, tu peux y aller. À côté plomberie, il n'y a plus rien qui marche. Donc sois pas gêné pour envoyer la purée. Mais fais ça en silence et proprement. Je reviens dans 20 minutes. Ah, ouais. J'oubliais. Pas tout le temps, mais quelquefois, elle a le conduit qui raille le casque. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à lubrifier. Bonne bourre. Ben dis donc, toi, t'es pas la plus moche que j'aurais sauté aujourd'hui. Et voilà, donc là, elle va lui faire un bisou avec la langue. Hein. Ah oui, un bisou d'amour. Hein. Et elle va lui mordre la lèvre, elle va lui défoncer la gueule, quoi. Enfin, c'est pas la lèvre, c'est la langue. C'est la langue. C'est la langue. Je pense que c'est elle lui tire la langue comme ça, là. Mm. Et ça doit un peu piquer, du sang partout. Alors, par contre, bien fait. Je sais pas comment elle a fait, mais moi tu m'arraches la langue, ça me... enfin, le gars il tombe par terre parce qu'il était mort. Non. Ah, c'est une tueuse professionnelle. Il tombe par terre comme s'il était mort. À mon avis, elle lui a pas fait que ça en même temps. Pourquoi je défends ce film encore une fois? Non, c'est trop mal fait, c'est complètement débile. Évidemment, t'as raison. Donc, bref, après, il y a Buck qui se ramène. À noter le terme assez poétique, mais je crois que c'est emprunté à Mallarmé de envoyer la purée. ne dites pas ça lors d'un premier rendez-vous, je trouve que ça marche pas. Oui, raille le casque aussi. Hein, et évitez de dire ça à votre compagne. T'es pas la plus moche que j'ai baisée aujourd'hui, toi. Du coup, elle va tomber sur Buck et elle va lui faire, moi, ce que j'appelle le Joe Pesci style de Raging Bull. C'est-à-dire qu'elle va lui défoncer la gueule dans une porte. Alors, ouais. Joe Pesci lui fait ça avec une portière de voiture. Mais je suis content que ce soit une vraie porte parce qu'il y a certains films où c'est une porte de frigo. Oui, exactement. Parce qu'il y a les coussinets. On vous l'a déjà dit, ne le faites pas avec les portes de frigo. Si un serial killer s'introduit chez vous, ne le faites pas. Oui, par exemple. Un truc assez réaliste, c'est qu'elle elle a pas ses jambes. Parce que ça, bah ouais, elle était en coma. Par contre, elle a full bras. C'est clair. C'est son monté dans ses bras. Ouais, ça c'est vraiment très réaliste. C'est-à-dire que tu sors du coma, t'as pas bougé, t'es en phlébite totale, t'as plus de jambes, t'as plus aucun muscle, mais t'arrives à tuer 4 gars dans la foule. Ouais. Et ça c'est très réaliste. Elle a full bras, elle peut se porter. Elle fait les pompes en poirier, comme dans les ailes de l'enfer. Et surtout, tu prends bien soin de voler les lunettes dorées de ton assaillant qui clairement vont te permettre d'être incognito dans l'hôpital, je pense. Ouais, mais en plus, elle se fait pas choper dans l'hôpital parce qu'elle est en train de se traîner par terre avec. On avait vu 4 ans avant que la sécurité n'était pas non plus au top déjà il y a 4 ans avec l'infirmière sexy borgne qui venait, qui faisait chier tout le monde. Ensuite, rééducation personnelle dans la voiture. Bouge. Ça c'est pas mal, elle regarde son petit doigt de pied et force du mental, ça c'est vraiment très bien fait aussi, t'as raison. 13 heures plus tard, elle peut enfin prendre le contrôle de ce véhicule et partir. C'est le moment d'un flashback sur l'enfance de Yoko machin là. Oren pas d'une de ses Ishii. Cibles. De Oren Ishii. Ishii partout. Oh là, c'est marrant. Là, on va pas. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'arrive? T'en as d'autres comme Pardon, ça? Non. Je... Ivre, elle t'en dérape pendant un podcast. du coup, alors c'est le passage manga. Manga. C'est le passage animation japonaise. Mais pourquoi ils ont pas pris un vrai dessinateur de manga pour faire le manga? Bah, c'est un vrai. Non, mais enfin. C'est le mec qui a bossé sur Ghost in the Shell. Le trait, il est sublime. Ouais, il est magnifique, le manga. Ouais, je sais pas, moi je connais que Dragon Ball. Greg. Ça ressemble pas du tout à un manga en tout cas. Au début, il voulait prendre le mec qui faisait la linéa. Ou les Shadok. Ça marche moins bien. Il raconte toute l'histoire de la japonaise qui l'a gâché. Alors, il y a un truc, franchement, manga, il n'y a pas Seiyar, il n'y a pas Sangoku, tous les personnages importants de la pop culture Ken ont été mis de côté. Mais pourquoi il y a de la musique de l'over italienne sur ce manga là, je comprends mais pas. Mais c'est fait exprès, t'as pas remarqué que Tarantino c'est que des contre-pieds. Oh putain, c'est vraiment bien. Et des coups de pied aussi, contre-coups de pied. Et des contre-sabres et des... globalement, une enfance difficile, puisque c'est quand même une enfant... On peut parler d'enfance difficile, oui. qui va perdre ses deux parents, quand même, sous le lit, avec le sang de sa mère qui va lui goûter au visage comme la pluie. Attends, mais là, on raconte avec des larmes dans les yeux, ce film, ou quoi? C'est quoi l'histoire? Moi, je pensais que vous alliez m'expliquer pourquoi il y avait un manga, en fait, à ce moment-là. C'est une référence à quoi? Mais c'est parce que c'est hyper japonais, violent, quoi. Et que, du coup, c'est une façon un peu détournée. Oh, c'est hyper subtil. C'est hyper violent, c'est lui qui l'a voulu. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on a un dessin animé? Parce qu'elle arrive au Japon, c'est un personnage japonais, il fait référence à la culture japonaise. Donc mais quoi, mais c'est vraiment un film de mongolien, ce truc. Je suis désolé, mais pourquoi on a un manga à ce moment-là? Moi, je comprends pas là. Si ça avait été en Belgique, ça aurait été un dessin animé belge. Ça aurait été Tintin, quoi. Franchement, que c'était pas en Chine, ça aurait été en nombre chinois. Bon, alors globalement, on revient pas sur sa vie, mais bon, voilà, elle est devenue la chef de tous les parrains de la mafia. De Tokyo. Donc elle est la grande chef des Yakuza alors qu'elle est américano-chinoise. Oui. Ce qui est un blasphème chez eux. Je sais pas si vous connaissez bien la culture Yakuza. Moi j'ai un peu. J'ai un peu de Yakuza. Watashiwa Anatawa Des. Ça ne veut rien dire. ensuite, on retourne dans le présent. Direction Okinawa. Chapitre 4, c'est ça? Chapitre 4. Ah ouais, au moins c'est fixe là. Qu'est-ce qu'il y a à Okinawa? C'est quoi le premier truc que les tu katana. Vas faire quand t'arrives à Okinawa? Alors, d'abord, c'est un restaurant japonais. Oui, c'est un restaurant japonais. Les katanas. Le mec va lui faire des méga sushis. Je sais pas si vous remarquez, mais dans le serveur, donc il y a Hattori Hanzo là, qui est le grand maître japonais qui a sa barbe et tout, qui est assez charismatique. C'est lui qui vend les Gremlins, ça, d'ailleurs. Et il y a son second. Alors là, faut connaître, c'est une référence BD. Je sais pas si vous connaissez la BD Léonard. Ouais. Mais le second de Léonard, il ressemble trop au chauve là. Disciple. Ouais. Son disciple. Ouais, tu sais, qui se fait engueuler tout le temps. Je trouve pas. Bah d'ailleurs, ils avaient pensé à faire un moment Léonard, hein, je crois. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, il a mal fini, Krilin. Et donc là, du coup, il va y avoir un petit dialogue entre la tueuse à gages qui veut refaire faire son katana et le grand maître qui a décidé de tout arrêter. Nani nomo. Je vous demande pardon. Boire. Ah oui, une bouteille de saké chaud, s'il vous plaît. Une bouteille de saké? Boh! Askaipo! Saké? Ma pile ma gara? Hiru de mo yoru de mo ii daro, metta ni kata konne de gara. Hein? Kona ho, to ho! Nande ore ga itsumo saké hakoba nakia ikenen da? Chanto kiki nasai! 30 nen ka anta sushi nigitte ore wa saké hakobi. Kore ga guntai datta ra? Ore wa... 今頃将軍だよってんだこの野郎。よく語ったね。お前が将軍なら俺は天の陛下だよ。いいか。俺お前は酒を運ぶ役目なんだ。いいか。よく覚えとけ。このハゲ。エスクセクレ。ハゲじゃない。そってるだけ。 Ah là là, il est génial cet extrait, ils me font rire. Mais il a raison, hein. Il a raison. Ah, il a raison de s'énerver. Mais en même temps, l'autre il parle mal parce que t'as vu qu'il accorde pas. Il accorde pas les adjectifs. Sans qu'il ait illettré. Alors là, je pense que vous allez m'expliquer que c'est une référence à quelque chose et que c'est vraiment du génie. Mais tous les Japonais dans ce film, dès qu'ils commencent à parler, ils gueulent comme des dingos. Bah comme ça, c'est une référence aux Japonais. Japon, ouais. C'est tous les Japonais dans tous les films. Quoi, t'as vu Dr. Slump ou pas? Tu connais Dr. Slump? Bah, ils gueulent pas. Mais non, mais tu sais, dans les restaurants japonais à Paris, ils crient pas parce qu'ils sont tous chinois. Mais va dans un vrai Jap, ça gueule. Hein. C'est pour ça qu'on y va pas. Alors, en gros, lui, il lui dit. Je vais vous épargner l'imitation parce que je sais pas pourquoi j'allais vous l'imiter, c'était une grosse erreur. En gros, oui, mais sans doute que Michael va le faire. En gros, il lui dit les katanas trop pu pour moi. Trop pu pour moi. J'en fais plus. Oh, j'aime plus ça. Plus ma passion. Oh, ma passion, c'est les fers à chevaux. Ça me donne des tournis, je fais plus ça. Et alors, elle dit oui, mais il faut quand même tuer le disciple, le vilain cafard Bill. Alors elle va l'écrire sur le carreau avec une scène assez stylisée. Ouais, c'est humide hein, d'ailleurs. C'est humide, oui, effectivement. Il l'a bué sur tous les carreaux. C'était chez toi, Julie, non? Tu vas avoir un dégât des eaux, je pense. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ils vont faire la cérémonie des katanas et tout en kimono, le vrai truc officiel, parce que voilà, Hattori Hanzo, il lui refait un katana, c'est quand même quelque chose. Quoi. Alors, et pourquoi ça, c'est pareil, hein, je pense que c'est du génie, vous allez sûrement m'expliquer, hein, mais pourquoi à chaque fois qu'elle ouvre un katana, ça siffle, mais ça siffle comme un train. Ouais, ça fait... Ça, c'est le message de bruit des katanas, ça. Ah oui, bah, pardon. Ouais. Bah oui, t'as jamais eu de katana On m'appelle souvent sur mon katana, ça fait exactement le bruit. Ah, vous avez raison, c'est que les ninjas, ils ont pas de katana, mais s'ils étaient repérés direct, ah, qu'est-ce qu'ils étaient. C'est pour ça qu'ils ont des étoiles de ninja. Ce n'est pas un podcast historique. Pour ça, il faut écouter Culture 2000. Absolument. Ensuite, direction Tokyo, Okinawa, Tokyo, on prend chapitre l'avion. Chapitre 5 Oui, sans doute. Ouais, c'est ça, si. Chapitre 5, alors elle prend l'avion. Et dans l'avion, elle a son sabre à côté d'elle en cabine. Ouais, alors c'est les avions japonais. Il y a un truc pour mettre le gobelet, il y a un truc pour mettre le katana. Vous allez sûrement m'expliquer, me dire que c'est du génie. Mais bon, logiquement, tu rentres pas avec ta katana. Tu sais, où t'as pas dû être attentif, Greg. En fait, juste avant, elle passe au contrôle. Il lui demande, vous avez un bagage à main. Elle dit, non, j'ai juste un katana. Je vous en prie, passez. Mais tu peux ramener, mais il faut le mettre en soute, par contre. Mais tu peux ramener. Moi, j'ai déjà ramené un katana. Mais il est pas en soute. Non, mais non. Bagage à main. Écoute, à peu près, Est-ce que tu as eu la vraie beaufrie de ramener un katana du Japon, Julie? Non. Yes. Putain, j'ai vraiment flippé, oui. Quoi. Non, non. Alors, ensuite, elle arrive à l'agence Europcar et là, elle loue la moto jaune, le casque jaune, la combi jaune, les sous-vêtements jaunes, la côte d'iPhone jaune. Tu es obligé de louer l'ensemble. Mais hein, c'est la panoplie Bruce Lee. Hein, oui, Bruce Lee. Ça va vite, hein. T'es obligé. De toute façon, là-bas, t'as plusieurs packs. Bruce Lee, c'est leur moon. J'ai la beaufrie d'avoir les mêmes chaussures. Ça, tu peux. Voilà. T'as aussi les mêmes chaussures que. Ouais. C'est vrai? Oui, parce que j'ai alors, putain, mais t'as les chaussures de tous les Julie... acteurs. Ah, voilà. Julie a les chaussures d'absolument tous les films. Oui, c'est vrai, j'ai les Nike brunes de Retour vers le futur et les Stompers de Aliens. Voilà, n'hésitez pas, taguez-moi si vous avez des idées. Vivement celles qui vont se lasser toutes seules. Y compris les chaussures des visiteurs. Ça veut dire quoi, taguez-moi? Je comprends pas. Hashtag pick of the day. Donc ensuite, on arrive. au restaurant. Alors, j'ai envie de dire restaurant japonais. Oui, on est au Japon. Et alors, j'ai mangé dans ce restaurant. Elle y va en moto. C'est vrai? Ouais, pour de vrai. Mais non. Je te promets que si. Bon, t'as une référence de dingue, quoi. C'est pas possible. Le voyage de Michael à New York, il avait l'air tout pourri. Et toi? Ça s'appelle Gompachi. Eh ben, moi, je suis allé au Coyote Girl. Alors, c'était bien. J'avais juste une réflexion sur la moto, c'est-à-dire qu'avec son pack moto, elle a une moto, on a l'impression qu'elle va très vite, sauf qu'elle est toute courbée dessus et qu'elle va vraiment, vraiment à deux à l'heure. Parce qu'elle doit avoir les lunettes sur le tableau de bord aussi. Il y a déjà les Yakuza qui sont là et eux, ils transportent pas le katana dans l'avion, dans la cabine de l'avion, mais c'est à l'arrière, sur la moto, ça se voit aussi. Bon, ça choque personne. Quoi. Non, ça choque personne parce qu'il y a absolument personne sur les routes à Tokyo. Je sais pas si vous avez remarqué. Et surtout, les Yakuza, ils se sont pas dit putain, elle est trop chelou la meuf en jaune en moto qui nous suit depuis 30 minutes, qui roule à deux à l'heure, qui est méga flag. Oh, encore un faux sosie de Bruce Lee, tu sais, genre ils sont partout. Ah, il y a encore quelqu'un qui a pris le pack jaune. Oh, j'adore le pack jaune des Rob Car. Attends, j'aimerais juste savoir un point sur ce resto. Mais du coup, le resto, il est devenu méga connu après le film et c'est hyper cher. Non, il était connu même un peu avant le film. Ils l'ont juste. Mais c'est un méga truc cher ou ça va? C'est raisonnable, mais après au Japon, souvent tout est cher. Hein, on va pas. Mais j'avais mangé du bœuf de Kobe, très très bon. Bon, on continue ou pas? Voilà, parce qu'il se trouve que c'est ma maman hôtesse de l'air qui m'avait emmené là-bas. Et puis. D'accord. Voilà. Tu feras une séance diapo qui sera ouverte aux auditeurs. Aux auditeurs de 2 heures de perdu. Alors là, je pense que les gens n'ont plus envie qu'on parle de Kill Bill. J'aimerais qu'on revienne sur tes autres voyages. Tu es allé en Amérique du Sud. Alors ensuite, alors ce resto, pour ceux qui l'ont pas vu, bah c'est un méga grand resto, trop stylé, avec un groupe de rock. Ouais. Le groupe, c'est les 5, 6, 7, 8. Qui existe vraiment, c'est pas de des images de synthèse. C'est de la surf musique japonaise. Alors, c'est de la surf, vous ne le savez pas, surf rock, oui. Mais Mickaël et moi sommes fans de surf. Si vous voulez nous faire un cadeau un jour, un beau vinyle de surf, ce serait vraiment exceptionnel. Donc, on arrive au resto. Alors, Oren Ishii, elle arrive avec toute sa troupe là. C'est les mecs qui sont masqués et tout. Les mecs sont louches à mort. Ils sont avec des katanas. Moi, je m'attendais à ce qu'ils chantent au bal masqué et oui, j'ai été un petit peu déçu du coup. Ah oui, pas dans les bronzés. Sûrement m'expliquer, c'est sûrement une référence. Mais pourquoi ils ont tous des loups sur la tronche? Zoro, c'est une référence à Zoro. Ah oui, voilà. C'est Zoro. Tu nous poses des questions, on a la réponse. Ça, c'est Zoro. Quant à Tarantino, il a toujours ouvertement dit qu'il était fan de Zoro. La moustache de la serveuse, c'est Papa Schultz. Le monocle. Bah oui, Inglourious Bastard, c'est une référence directe à Papa Jules. Et c'est le moment où il marche au ralenti avec la musique et tout, c'est ultra cliché tellement de mauvais goût quoi. Avec la musique de téléfoot là. Oh là, nulos. Exact. D'ailleurs, moi j'ai l'anecdote, c'est Tarantino qui a fait téléfoot. Et il fait putain, elle est mortelle la musique. Moi je la veux dans le film. Puis j'aimerais bien inviter Didier Drogba, Samuel et Samuel Eto'o dans mon film. Alors, bon, il s'avère que l'héroïne, là, Uma Thurman, on ne connaît pas le nom d'ailleurs, il est bipé pendant le film. Qu'est-ce que c'est stylé. Ouais, c'est vraiment du génie. Elle arrive au resto et elle va couper le bras de l'avocate. Ça, c'est pas mal pour, tu vois, appeler l'attention des gens. Déjà, elle se cachait dans les plafonds. Moi, je trouve ça hyper dur. J'ai essayé ça aussi. Tu sais, quand gamine de Battle Royale, là, elle sort pour essayer de la choper, elle est vraiment genre... Mais je crois que un quart d'heure avant, elle se fait piquer par une araignée. Hein. Ouais, mais ça, enfin, je veux dire, ça, Léon, il le fait. Ça, il y a quand même pas mal de gens qui le font. Hein. Mais pourtant, ça doit être plus dur pour Léon parce qu'il est un peu plus lourd que. Enfin, en même temps, pour elle, là, il y a vraiment 2 mètres de plafond. Hein. Enfin, j'imagine bien Jean Reno qui dit putain, j'ai vu ça dans Kill Bill, mais c'est pas facile. Oh, c'est pas facile. Oh putain, c'est super dur. Bon, et en gros, au final, elle veut l'appeler, elle a défiance totale. Elle va couper le bras de l'avocate au milieu de tout le monde. Oren Ishii, elle va sortir de son petit sas parce que les Japonais, quand ils prennent du saké, ils le prennent en private session. C'est-à-dire session privée, c'est de l'anglais. Elle sort, elle le voit, et là, l'autre, bam, elle coupe le bras. C'est interminable, cette baston. Ça gicle. Et il n'y a pas encore la baston. Parce qu'en fait, au moment où elle coupe le bras, les gens, ils réagissent pas, et d'un seul coup, ils vont tous partir d'un coup. Mais ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, elle coupe le bras de la meuf devant l'entrée. Ouais. Et en fait, le réflexe des gens, c'est de s'enfuir. Mais en courant vers la meuf qui a le couteau, qui vient de couper le bras de quelqu'un. Quoi. C'est pas un couteau, c'est un katana. Parce qu'au couteau, ça aurait été plus long. Ça, c'est une référence à quelque chose, non? Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une référence au fait que les gens sont très cons. Je pense qu'ils partiraient de l'autre côté, tu vois. Et donc là, elle va devoir affronter les 88 Manos, parce que c'est les Crazy 88. C'est que ça, même l'impression. Hein. Elle va affronter Gogo. Tu t'as compté? C'est les Crazy 88. Ah, pardon. C'est mais d'abord, il y a les premiers qui viennent et qui vont se faire désinguer. Yeah. Charlie Brown. Antoine, d'ailleurs. Nicky. Terminé. Et alors là, c'est vrai que c'est parti engine, pour. Oui. Raclement de gorge. Ah bah, je pense que là, après, pour éternuer, ça va partir dans tous les sens parce qu'il y a un trou. Hein. Donc, alors, elle va affronter les 88 Manos masqués. Non, c'est les 88 méchants de Double Dragon 2, quoi. Tu sais, c'est vraiment la même chose, quoi. Tu sais, ça s'arrête jamais. Non, j'avoue que ça, c'est un peu une référence à un beat'em all, quoi. Parce que là, elle va vraiment. Ah ouais, c'est limite quand ils tombent par terre, ils se mettent à clignoter. Ils lâchent des items. Heureusement qu'elle peut pas appeler les filles. Elle ramasse des fraises. Tulip. Ou des pièces. Heureusement qu'elle peut pas appeler les flics, j'aurais dit que c'était Street of Fight du coup. Alors, une anecdote, puisque Julie ne fait plus d'anecdotes. Alors, non, en fait, j'ai décidé. La seule anecdote de Julie, c'était je suis allé dans ce resto, vous saviez. Et j'ai un katana. Non, je fais. Il y a trop d'anecdotes sur Kill Bill, du coup. Du coup, j'en ai fait zéro. Il y avait beaucoup de commentaires 5 étoiles, j'ai rien fait. J'ai fait l'anecdote Ghost in the Shell tout à l'heure, j'en fais des petites. C'est mais vrai. Je ne les souligne pas, je les fais en toute modestie. Le chef de Crazy 88, c'est le même acteur qui jouera Limoubaï. Non, je sais plus comment il s'appelle. C'est Limoubaï, c'est Intrigué Dragon. En gros, le grand maître de Kung Fu dans Kill Bill 2. C'est le même acteur. Et après avoir affronté tout le monde et être un peu blessé. Il va y avoir un combat. Alors là, dans un petit jardin. Attends. D'abord, il y a la petite. Avec la boule en polystyrène. Ouais. En polyester. Ah oui. En polystyrène, je sais pas comment on dit. Qui va se prendre une belle planche en bois avec des clous, mais d'ailleurs qui te fait saigner les yeux. Moi, je pensais que ça te faisait saigner le crâne, en fait, quand on t'enfonçait des clous dans le crâne. Ouais, mais non, mais ça te fait saigner. Je sais pas yeux. Si vous avez vu, mais. Non, pression, cavité cérébrale. Je suis médecin. Au début, la boule, elle a l'air lourde, mais quand elle a fait tourner, ça se voit vraiment, tu sais, la chaîne, elle est toute molle et tout. Tu te vois bien vraiment que ça pèse 2 grammes. C'est vraiment de la en même temps, fait. C'est l'enfant de Battle Royale, donc clairement. Et juste après, je sais pas pourquoi tu vas aussi vite, mais après, il y a la chorégraphie Crazy Horse avec les jeux de mille lumières, là, quand même. J'aimerais bien faire un point chorégraphie de combat puisque tu me reproches de ne pas faire assez d'anecdotes. C'est un film de danse, on est d'accord. C'est Yuen Woping qui a cité Tarantino en sa qualité de chorégraphe. Et donc du coup, il avait travaillé déjà sur Matrix avec les frères Wachowski. Ouais, ça se voit. Ah bah, putain, voilà. Et aussi sur Tigre et Dragon d'Ang Lee. Voilà. Petite... Et sur la totale. J'aimerais bien faire Tigre et Dragon, franchement. Mettez-le dans le chapeau, il n'y est pas. T'es sûr qu'il n'y est pas? Non. Je crois pas qu'il y soit. Alors, ensuite, elle va affronter en one-to-one le boss du level 2. C'est le boss du level, clairement. Ça s'ouvre, là, on change de décor. On est sur un petit jardin japonais dans les montagnes. Sachant qu'il faisait plutôt beau hein, avant qu'ils arrivent, hein, je crois. Hein. Il me semble que. Mais je crois que le restaurant il est dans un train parce que franchement, la scène finale elle a l'air loin de Tokyo quand même. Hein. Bah, c'est clair. En plus, il y a un méga faux raccord météo, c'est ce qui neigeait pas du tout avant. Mais après, elle va reprendre la moto sous la neige, c'est ultra dangereux, elle peut tout à fait se buter la gueule. Donc, le combat sous la neige, moi déjà, quand j'ai vu. Alors, parce qu'il y en a une qui est quand même en combi de moto, donc ça va. L'autre, elle est en kimono, je me dis putain, mais elle va prendre froid là, quand même. Qui va lui arriver quoi. Oui. Elle est, je sais pas si tu as vu, mais c'est hyper moulant au niveau des jambes, mais elle est très serrée au niveau des chevilles. Donc en théorie, elle a zéro chance de gagner ce combat. Quoi. Parce qu'elle fait des pas de 2 cm. Elle peut se déplacer en crabe éventuellement sur le côté. Elle va la scalper. Je crois que Tarantino aime bien les scalper. On a quand même un des seuls dialogues de merde de ce film aussi. Hein. Enfin, non, un des seuls dialogues de ce film. C'est pas le seul de dialogue de merde. T'as pas trop aimé ce film, non, Greg? Non, j'ai trouvé ça. T'apprends rien, c'est nul, c'est chiant, c'est de la danse. C'est vrai que dans la planète des singes, qu'est-ce que j'ai appris? Et donc, j'en sais beaucoup plus sur les singes. Je suis sorti grandi de ça. Je suis sorti grandi de ce film. Oh, j'ai tellement appris sur les primates et les absolument, valeurs. Absolument. Et donc là, il y a un espèce de bail de qui t'a fait ta lame, c'est pas possible que ça soit lui. Et donc, on a aucune explication pourquoi lui il ferait pas la lame. Ouais, il a dit vite fait qu'il en faisait plus, mais bon, on sait pas trop pourquoi. Mais parce que c'est quelqu'un de sympathique. Donc là, ouais, c'est pareil. Elle est interminable, c'est le baston, c'est encore Kamel Wally. Et on se croirait, ouais, voilà, c'est danser avec les stars, c'est insupportable. On reste un peu sur notre fin, puisque effectivement, le film s'arrête là. Et on n'aura pas vu ni le visage de Bill. Enfin, non, il s'arrête pas là parce que le mélo de meuf. Mais par contre, j'aimerais vraiment un appel aux auditeurs que quelqu'un nous propose Kill Bill 2 pour Greg dans le chapeau et je serais vraiment ravi. Moi j'avoue que ça m'a un peu donné envie de remater Kill Bill 2, mais j'avais pas tant envie de le mater que ça en fait. Je suis pas sûr. Bah moi je m'en rappelle plus, mais si tu voulais, je peux essayer de vous le raconter quand même. Non, ça va aller. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire sur ce film? Non. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, je suis allé voir les commentaires 0 étoiles pour Kill Bill, pour deux raisons. Parce que les commentaires 5 étoiles, il y en avait beaucoup et j'en avais envie de profiter de mon week-end. Et la deuxième raison, c'est que j'ai adoré ce film et je préfère me foutre de la gueule des gens qui ont détesté. Et oui. Comme Greg, par exemple. Ouais, on va voir. N'exagérez pas. Alors, on va commencer par Bilbao 2 qui nous dit... Mais qui a osé laisser quelqu'un tourner cette vidéo aussi? C'est clair. Vidéo. Génie, c'est tourner ça avec un caméscope. Vraiment un génie, ce type. Il faut lui enlever son caméscope. Ce genre de choses devrait être interdite. Ah, tout à fait. Le monde est assez sombre pour qu'on rajoute de telles images. Oh là là. Très juste. On a Whis Kikoka. C'est déjà drôle, je sens que je vais bien l'aimer. Il ferait bien d'en reprendre. Méga, giga, terra, péta, examerdique. Mais ce mec est définitivement un génie, hein. C'est à croire qu'il pourrait filmer un brin d'air pendant 2 heures que tout le monde crierait au chef-d'œuvre. Ça marche en filmant un Matterman parlant à son gros orteil pendant un quart d'heure. Hein. c'est marrant. Certains philosopheront sur l'interprétation d'une femme rongée par l'amertume, consumée par la rage et la vengeance. Moi, j'ai vu qu'une bonne femme dialoguant avec un pied. C'est certainement parce que. Il a pas vu tout le film. Le DVD était rayé, je pensais que c'était bloqué sur cette scène. Vous avez deux fois qu'il revient dessus. C'est certainement parce que j'ai pas eu leur génie ou leur ingénuité. Hein, je vous laisse y réfléchir. Moi, je vais me coucher. Ce film m'a trop gonflé. C'est vrai. Encore un génie. Ensuite, on a Laberte qui nous dit « Heureusement que Tarantino a croisé une caméra un jour. Sinon, il aurait pu devenir serial killer. Pour moi, un film de psychopathe qui se débarrasse de ses obsessions malsaines en les exposant au monde entier, Burke. Oh non. Ah non. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas drôle. J'ai juste l'impression de voir derrière le réalisateur un petit garçon qui arracherait les pattes des araignées dans son enfance. Affreux, bête, sale et méchant, 0 étoile. Ensuite, il y a Laurent R qui nous dit « Oh, mieux vaut aller faire un don du sang. 0 étoile. Ça, c'est pas vrai. Lil M qui dit « Ah, déçu de ouf, trop nul, après avoir vu tant parler sur le film, je m'attendais à un truc énorme, c'est une blague, on dirait une parodie d'Art du Sabre, ou Katana, enfin, peu importe. » C'est un film d'Art du Sabre, hein. J'aime pas trop les films d'Art du Sabre ou du Katana. Oh, l'Art du Sabre et du Katana, trop peu pour moi. Ah, je préfère les capes et les pays. J'en suis pas friand. Enfin, peu importe, un scénario comme tant d'autres, vu et revu, aucune originalité, à part ses effets spéciaux, à s'éclater de rire. De plus, ils ont abusé avec le jus de tomate. Il date de 2003, mais bon, je vous dirai alors, vous voulez voir un bon film avec une histoire qui tient la route et une vraie guerrière ? Foncez regarder Azumi 1, qui lui aussi est sorti la même année. Qu'il allait dire Xena. Film japonais qui est énorme à comparer. Puis pour ceux qui aiment, il y a aussi Azumi 2. Après aussi, foncez, n'hésitez surtout pas, 0 étoile. Et enfin, on finit avec Koulouen, qui nous dit... C'est le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tout à fait. Un film de sang qui ne sert qu'à dégoûter, qui n'a pas vraiment d'histoire. Ils ont choisi la vengeance comme sujet, ce qui n'est pas... ce qui n'est pas le meilleur sujet. J'ai pas réussi à finir. Ils ont choisi la vengeance comme sujet, ce qui n'est pas le meilleur sujet à choisir. Des combats invraisemblables et des dialogues de très bas niveau. Vraiment une pure gâcherie. Oula, c'est pas de qualité. Non mais voilà, en fait ce film il me fait penser à Drive, c'est exactement le même truc quoi, tu vois. C'est le truc un peu stylé avec moi, un mec qui va tuer des Drive, gens quoi. Moi j'aime bien Drive aussi. Ouais bah voilà, ouais, moi je non plus j'aime pas. Je suis beaucoup moins chaud pour Drive moi mais Voilà, hein. C'était notre avis et celui des autres sur le film Kill Bill volume 1. On fera pas le 2. On fera pas le 2. Bah, si nous, on nous propose allons un village, on le fera, hein. Tirer deux films au chapeau. Qui tire? Bah, Mickaël et Greg, allez-y. Pendant que vous tirez les films au chapeau, Julie va nous rappeler comment ajouter un film au chapeau sac poubelle. Vous pouvez le faire vous aussi. Il vous suffit de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec le nom de votre film. Alors, iTunes, c'est iTunes pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Je l'ai fait à la française. iTunes. On vous rappelle aussi d'écouter les autres émissions. Peut-être préciser que c'est uniquement sur iTunes parce que nous recevons des messages très régulièrement de gens qui nous demandent comment proposer un film en dehors d'iTunes. Voilà, et ben écoutez, on peut pas parce que sinon c'est trop chiant, parce que sinon tout le monde proposerait des milliards de trucs, donc il n'y a qu'un seul canal, c'est iTunes. Voilà. Bon, en attendant, j'ai tiré un film et ça s'appelle La 9ème Porte. Et c'est toi qui l'as proposé, Julien. Putain, il est passé hier sur Arte. Ouais. Ah, les gens vont savoir quand est-ce qu'on enregistre. Moi, je l'ai déjà vu. C'est une merde. Ah, moi, j'adore. Ah, bah, oh là on là. Va voir. Parce que moi, j'aime bien. Oh là là, Paul, j'ai bien aimé. Son plus bas niveau, quoi. Ah, bah, moi, j'avais bien aimé, donc ça va être. Parfait, je suis très chaud. Et okay. Moi, j'ai tiré James Bond contre Dr. No. Oh, il est proposé par toi, Antoine. Eh ben alors, hein. Ah bah, je suis très très alors. Content, voilà. C'est deux c'est films bon tir. Très chauds. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de la 9ème porte. Je vous invite, en attendant, vous allez écouter les autres émissions de Fréquence Moderne, à savoir Greg, Culture 2000 et Mickaël. Sauf qu'il pleut. Voilà. Et il y a d'autres émissions qui vont venir, hein, ne vous inquiétez pas, d'autres shows, voilà. Quant à nous, je vous laisse sur du mariachi et l'on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. À la bye semaine bye. Prochaine. Ciao. Oh, Julie, encore monté sur le. Descends! Descends, Martin, maintenant! Non, mais tu n'y arrives jamais, non?